بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن نحسب للمفاسد حسابها. فإن الله عز وجل il faut pas que ça disparaît de notre esprit de calculer le mal, de calculer ses conséquences et ce qu'il va amener. Et ceci est une règle de nos plusieurs doigts Allah alayhim, qui est la troisième règle que nous étudions dans ce livre de Cheikh Ibn Barjis rahimahullah, al-muwazanatu bayna al-masalih wa al-mafasid. Cette troisième règle, c'est le fait de faire la part des choses et de bien mesurer la situation entre le bien qui va découler d'un acte et le mal qui va en découler. هذه أيها الإخوة في الله قاعدة شرعية. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. Ça, c'est une règle de la législation, frère Allah Azza wa Jal. Quand on se trouve, quelqu'un parmi nous se trouve devant la situation, il est devant de grands problèmes ou de grandes erreurs, ben la plus grande erreur, c'est elle qu'il faut éviter en faisant la moindre. En faisant la moindre. S'il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas échapper ni à la grande erreur, ni à la petite erreur. N'importe comment, il faut qu'il va tomber dans l'une des erreurs. Ben, il tombe dans la moindre des erreurs. Et dans la moins grave. ونظيرها يقول الشيخ رحمه الله درء المفاسد أولى من جلب المصالح. Il est une règle, c'est l'usul رحمه الله تعالى, c'est les hommes de science. Repousser le mal vaut mieux que ramener un bien. Repousser le mal est prioritaire que du fait de ramener un intérêt ou un bien. Ça, c'est une règle de la législation qui trouve sa source, ses preuves dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَفْسَدَةُ مَغْلُوبَةً لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ. Il dit rahimahullah ta'ala en citant certaines paroles de Siyuti rahimahullah dans l'Ishbah al-Nadahir ou al-Nadahir, quand s'oppose un bien et un mal, une mafsada et une maslaha. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre le fait de repousser le mal. Sauf si ce mal il va être vaincu dans ce cas-là, sauf si ce mal va s'anéantir par lui-même, ou là va s'anéantir en accomplissant le bien, dans ces cas-là, on mettra en avant quoi? Le bien. Mais si le mal est là, il est persistant, et c'est lui qui prend le dessus, et que ce mal va persister encore et grandir, ben on va repousser le bien pour ne pas tomber dans le mal. Hein? On laissera de côté le bien qui nous apparaît bien, hein? Et on repoussera le mal. C'est parce que la législation nous demande plus de repousser le mal et de ne pas. Et les interdictions sont énormes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de repousser le mal et de ne pas faire des erreurs. Yarhamukallah. Prends par exemple des jeunes, comme en Europe, comme ça se passe, ils ont la possibilité d'avoir des cours dans une mosquée. D'accord ? La mosquée, des jeunes salafis, par leur comportement, ils ont obtenu le fait de pouvoir voir des créneaux horaires pour apprendre entre eux et pour qu'ils puissent ramener des personnes pour apprendre un petit peu avec eux, etc. Dans cette mosquée, il y a des chapelets qui sont accrochés en général au radiateur. Hein? Évident que le chapelet, ça ne fait pas partie de la sunna de faire. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des chapelets, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Que c'est un mal. Donc le jeune qui est enthousiasme pour la sunna, la première chose qu'il dit, il faut que je les enlève. D'accord? Maintenant, il faut calculer. Maintenant, est-ce que j'enlève, si j'enlève ce mal qu'il y a dans la mosquée qui sont les chapelets, qu'est-ce qu'il va en découler après? Un bien ou un mal? S'il va en dire, on est sûr qu'il va en découler un mal, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse en face et on garde notre bien qui est là. On a un bien qui est sûr, qui est le fait de se retrouver entre nous et de pouvoir étudier ensemble. D'accord? Et si on agit ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre avec les darons et avec les responsables de la mosquée. Parce qu'avant d'enlever ce chapelet qui t'apparaît là-bas, il faut le enlever du cœur. Il faut les éduquer et leur faire comprendre comme quoi que le fait de faire les invocations en comptant avec ses phalanges, les phalanges vont témoigner pour eux le jour de la résurrection, comme il a dit Rasulullah alayhi wa sallam. Mais sans avoir agi ainsi, et ayant un bien que tu as dans la mosquée, qu'on te donne la possibilité, qu'on te fait confiance à rester après Salat al-Fajr, à étudier, à demander aux frères de Hâd dans d'autres régions de venir vous rendre visite, hein? Et tout ce bien là il est là, et c'est un intérêt qu'il ne faut pas négliger, et que si tu prends ces chapelets, ce qui va se passer, c'est que on ferme la porte dans ces cas là on laisse, on sait que c'est un mal, mais on essaye, en utilisant le langage adéquat, à faire comprendre à nos darons et aux responsables, etc., jusqu'au jour où eux-mêmes ils vont le prendre, ils vont les jeter dans la poubelle. Eux-mêmes, ils vont les prendre, ils vont les... On était dans une mosquée dans le sud où on essayait de faire du travail sur les vieux. Ça commençait à marcher un petit peu. Un jour, un jeune, il a demandé rien à personne. Un matin après Salat al-Fajr, il a pris tous les chapelets qu'il y avait et il les a jetés à la poubelle. Il y a dans une mosquée, tu as toujours quelqu'un. Il voit tout, la moindre chose qui a bougé d'une place, il faut que c'est ça, il la remette à sa place. Hada, ce genre de personnage, vous l'avez partout. S'il n'y a pas un ou deux, vous partout. Hein? Ben, ça ne lui a pas échappé. Il est revenu au Salat al-Dohr. Hein? Il cherche où sont les chapelets, où sont les chapelets. Il a cherché. Moi, je lui dis, j'ai pas vu de chapelet. Et c'est vrai, je les ai pas vus. Je ne sais pas qui l'a fait. Il a cherché, il les a trouvés dans la poubelle. Après Salat al-Mughrib, quand on allait commencer, le cor, il commençait à crier dans la mosquée et à dire des trucs. Et quelqu'un qui était celui qui a été la cause de ça allait parler. Il dit, khalle, laisse-le. Hein? L'affaire, il faut la régler autrement. Pas, ouais, il est excité, toi, tu es excité, tu vas encore, qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Ça va être le feu. Hein? Parce que quand un, il est chauffé, il faut que l'autre puisse mettre ses nerfs dans le glaçon. Hein? Parce que si lui, il chauffe et l'autre, il chauffe, on n'arrivera pas à la solution. Regardez ce que ça a amené à faire. Il a commencé à débiter des trucs, hein, Et ça, a commencé à se, et la situation, à partir de ce moment-là, a commencé à se dégrader dans la mosquée. Donc, évident, avant de faire quoi que ce soit, de mesurer la situation, le pour et le contre, où il est l'intérêt, quel mal il va en découler. S'il y a un grand mal qui va découler de faire, de blâmer un petit truc, il y a un mal plus grand qui va arriver après, ben il est évident qu'il faut, tu laisses ce petit mal. On a ton nom d'éduquer les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut, mais il faut éduquer les gens. Celui qui est capable d'éduquer et de le sortir des cœurs des gens, et que les gens ne soient pas attachés à cette chose, ben, qu'il le fasse avec sagesse, etc. Hada, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? Le frère, tout à l'autre jour, hier, il me dit, pour, on a la sunna du fait de mettre les sockets, on essuie sur les sockets, il nous marque qu'il faut enlever les sockets. Hein? Yahi. Le fait que les gens décident d'enlever les sockets, il y a un mal dedans. Des fois, certains parmi nous, hein, ils ont des sockets, et des fois, Allah al-Musta'an, avec leur basket, la mouche, il passe à côté quand il enlève et sort ses pieds de la basket, la mouche, il tombe. Qu'est-ce qu'il en est de l'être humain? La mouche tombe. Et en plus de ça, il y a beaucoup de vieux et beaucoup de personnes parmi les jeunes qui ont des allergies à certains trucs. Et en plus de ça, quand on a des transpirations, etc., qu'est-ce qui nous arrive? Nous arrive à marcher avec sur... Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les mosquées? Soit les tapis, soit les moquettes. Donc on les imprime. Donc c'est une question d'hygiène avant tout. Et c'est une question, si maintenant on rebute avec les personnes qui décident et qui mettent ces affiches dans les mosquées qu'il faut, hein, enlever les sockets, on va arriver où? Un jeune, une voix, hein? Un de nos frères allait faire cours dans une mosquée dans le sud. Hein? Et il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus, il s'est marqué, les vieux, ils disent qu'ils sont stricts dans cette mosquée, pour, surtout pour les sockets. Voilà les chaussettes. Et Adé, il se tourne vers le vieux, il dit, donne-moi la preuve. Tu veux la preuve? Dors! Qu'est-ce que tu veux? C'est une personne âgée. Et en tous les cas, cette demande qu'ils ont fait pour enlever les sockets, ça, est-ce qu'il y a une contradiction avec notre religion? Ou le contraire, c'est que le fait de le mettre en application, tu vas sortir du problème avec eux. Et donc, ils n'auront rien dans leur cœur vis-à-vis de toi. Et ça, c'est demander de préserver le cœur du croyant, qu'il n'y a pas de choses qui s'installent dans son cœur, etc. Hein? Donc, il y a des fois, c'est vrai, c'est la sunna de suivre sur nos sockets, etc. Mais où est le problème de les enlever? Pour éviter d'avoir des problèmes avec les responsables de la mosquée, avec les darons, etc. Et surtout quand on sait que beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau des allergies, etc. Et que des fois, avec les, malheureusement comme ça, avec les chaussettes, etc., des fois ça... Donc, et comme il m'a dit le frère tout à l'heure, il m'a dit, dans ces cas-là, si on agit ainsi, bah rentrez aussi avec vos chaussures dans la mosquée. Rasoul Salah Asim l'a dit, priez avec vos chaussures. Pour être différent des juifs et des chrétiens. Donc dans ces cas-là, rentre avec tes chaussures aussi. Mais qu'est-ce qui va arriver quand on va rentrer avec nos chaussures sur les tapis, les moquettes, etc.? Quel mal il va y avoir? Les gens en général, ils ne savent pas cette sunna. Peu de gens parmi le commun qui connaissent cette sunna, qui le fait de prier avec ses chaussures. Donc quand tu vas arriver avec ça, tu vas voir ce que ça va faire. C'est quoi cette religion nouvelle? Tout ce qui est transmis dans la société, tout va être du nouveau. Hein? Donc, le fait de repousser le mal nous est demandé dans notre religion. Hein? Et qu'on fasse très attention, parce que des fois, on éclate des problèmes et on crée des problèmes. Là, oui, il ne devait pas y avoir de problème, tout simplement parce qu'on n'a pas maîtrisé les règles de notre législation. Et les preuves pour cette règle dans la législation sont nombreuses. منها ما اتفق عليه الشيخان واللفظ لمسلم رحمهم الله جميعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجذر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. Maintenant, il y a cette sagesse que nous enseigne le prophète عليه الصلاة والسلام. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Aïcha radiallahu ta'ala na wa ardaha a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que vous voyez le petit muret en cercle à côté dans l'un des côtés de la Kaaba? Cet espace-là, il fait partie de la Kaaba. C'est pour ça qu'il n'est pas autorisé de faire, on n'a pas le droit de faire son tawaf à l'intérieur. Il faut être à l'extérieur de ce demi-cercle, de ce mur en demi-cercle. Et Aïcha demande concernant ce demi-cercle, hein, autour de la Kaaba, il lui dit: est-ce que cette partie-là fait partie de la Kaaba? Il lui a dit: oui, il fait partie. Et il lui a dit: pourquoi dans ces cas-là, ils ne l'ont pas rentré dedans? Pourquoi il n'est pas construit? Pourquoi il ne fait pas partie de l'édifice et qu'il n'y a pas le toit dessus? Il lui dit: ton peuple n'avait pas beaucoup d'argent. Au moment où la Kaaba était reconstruite par Quraysh, ils ont réuni de l'argent, mais ils ne voulaient pas que l'argent de l'usure, ni de l'adultère, ni des maisons closes, etc., rentre dedans. Ils ne voulaient pas que le haram rentre dedans. Donc ils ont réuni que l'argent halal pour reconstruire la Kaaba au moment où il a fallu la reconstruire. Et ils n'avaient plus d'argent. L'argent s'est arrêté. Donc ils n'ont pas rentré cette partie-là qu'on voit maintenant et restée telle qu'elle à l'extérieur parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et il lui a dit: ya Rasulallah, pourquoi dans ces cas-là la porte de la Kaaba est élevée? Pourquoi il n'est pas collé au sol? Pourquoi il est élevé comme ça? Il lui a dit: parce que ton peuple l'a fait ainsi pour qu'il fasse rentrer qui ils veulent. C'est-à-dire, pour rentrer, ils font le choix, le tri. Toi tu rentres pas. Ils font rentrer qui ils veulent, tout simplement. Et ils interdisent d'y rentrer à qui ils veulent. Il lui dit: si ton peuple n'est pas nouveau dans l'islam et qui vient de sortir de la mécréance, et j'ai peur que leur cœur ne reconnaisse pas l'acte que je vais faire, ben j'aurais vu qu'il faut la reconstruire la Kaaba et me remettre dedans le jidrad et la reconstruire comme il était. Mais regarde, qu'est-ce qui a fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Il a dit: si ton peuple vient de rentrer dans l'islam et j'ai peur que ils aient quelque chose dans cet acte, qu'ils, dans leur cœur s'installe quelque chose dans l'acte du fait de détruire et de recommencer de la reconstruire comme il était. Il lui a dit: et je vais mettre la porte, je vais la coller par terre. Mais Rasoul ne l'a pas fait. Il a dit: ils sont nouveaux, ils viennent de rentrer dans l'islam. Il a évité de le faire. Ah, là, c'est notre prophète. Il a laissé quelque chose qui est mieux. Pourquoi? Pour garder, pour que dans le cœur de Quraysh qui vient de rentrer dans l'islam, qu'il n'y ait rien dans leur cœur. وقد بوب الإمام البخاري على حديث عائشة فقال: باب ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. Maintenant, écoute la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a doté une puissance d'Allah alayh. Pour que tu comprennes qu'il est obligatoire pour nous de prendre leur compréhension. Et si on sort de la compréhension de nos puissances d'Allah alayh, on est perdu, on est dans les ténèbres. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il met comme titre, chapitre: laisser certaines choses qui sont bien par peur que certaines personnes ne le comprennent pas. Une chose dans laquelle on a le choix et qui est bien, de la laisser de côté par peur que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Hein? Donc, c'est pour ça, des fois, on voit certains de nos frères qui arrivent, qui ont des études, etc. Et les jeunes veulent tout de suite qu'ils accomplissent tout dans la prière. Tout ce qu'il y a dans la description, ils veulent l'accomplir. Et lui, il voit autre chose. Il voit le fait qu'il faut d'abord enseigner aux darons. Il faut les amener pour ne pas qu'ils rejettent pas et qu'ils commencent à dire du mal sur ce qui est de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال الحافظ في الفتح ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Ibn Hajar rahmatullah alayh, quand il a interprété dans son interprétation de Sahih Muslim, il dit on retient de ça que des fois on laisse de côté un intérêt pour ne pas tomber dans un mal, quelque chose dans laquelle il y a un intérêt, quelque chose dans laquelle il y a un bien, on la laisse de côté. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans un mal. Hada, c'est la compréhension. Et hada, ça fait partie de notre législation, ikhwat al-islam. Et nous, des fois, on fait des actes parce que pourquoi? Parce qu'on n'a pas maîtrisé les règles. Les règles, que les hommes de ces règles, leur source, dis-toi bien, il n'y a aucune règle et aucun fondement qu'ont instauré les hommes de science qui ne trouvent pas sa preuve dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Ces règles-là, c'est après les hommes de science, après une énorme lecture du Coran, de la sunna, des actes des compagnons, des paroles des compagnons et de leurs successeurs, etc. C'est de là qu'ils nous ont sorti ces règles. Et toute règle instaurée par les hommes de science, il a sa preuve dans la parole de d'Allah et dans la parole de la sunna du prophète alayhi sallam. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في معرض ذكر بعض المستحبات ويستحب للرجل ان يقصد الى تاليف القلوب بترك هذه المستحبات لان مصلحه التاليف في الدين اعظم من مصلحه فعل مثل هذا. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه il fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de cette clairvoyance et de cette compréhension des plusieurs d'Allah alayhi. Et il dit, rahimahullah, il est préférable à l'homme d'aller chercher le fait d'acquérir les cœurs des gens. Et d'attirer les cœurs des gens. En délaissant certaines choses dans la religion qui sont du domaine du préférable. Parce que le fait d'acquérir les cœurs des gens et de les avoir autour de toi et de les unir, ceci est un but énorme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est un énorme intérêt dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est beaucoup plus important que ce préférable. Évidemment, ce préférable, les hommes de science le laissent momentanément. Je ne crois pas qu'il faut les délaisser toujours, non. Mais momentanément, le temps que les gens comprennent. Yaqul rahimahullah kama taraka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taghyir bina' al-bayt lima fihi fi ibqa'ihi min ta'lif al-qulub wa kama ankara ibn mas'ud 'ala 'Uthman ibn Affan radiyallahu anhu itmam as-salati fi as-safar thumma salla khalfahu mutimman wa qala al-khilaf sharrun. Et il dit, rahimahullah ta'ala, toujours les paroles sont Ibn Taymiyyah dans Jumu' al-Fatawa, Rasul, comme il a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le changement de la construction de la Kaaba. Il ne l'a pas reconstruite comme il devait être. Il ne l'a pas remis à son origine. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait rien qui s'installe dans les cœurs de Quraysh. Et pour que, attirer les cœurs de Quraysh vers lui et que les cœurs de Quraysh ne se détournent pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda, les gens vont le voir au pèlerinage à Mina et lui posent des questions sur le fait de la prière en voyage. Et il donne la fatwa comme quoi le voyage c'est d'orqat pour d'or, d'obor l'asar, pour l'isha, etc. Et Kaminan, il faut faire que Dorkat, Dor et Dorkat l'Asr. On fait deux et deux qui les suivent, etc. Ça, c'est la fatwa, c'est la sunna, c'est comme ça qu'on parlait ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Mais quand l'imam qui était Uthman ibn Affan et le khalifa se levait et faisait 4 ka'at aminan, Abdullah ibn Abbas, il rentrait dans le rang, il faisait 4 ka'at pour Dor et 4 ka'at pour l'Asr derrière l'imam. Et il disait, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, et il disait, quand on lui a dit, Ya Abdullah ibn Mas'ud, Ya Abdul Abdelrahman, tu dis que c'est Dor ka'at, tu dis oui, ça c'est la sunna, mais la divergence est un mal. D'accord ? Voyez un petit peu, et ça c'est qui ? Abdullah ibn Mas'ud. Là, l'un des grands savants de la communauté, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut apprendre le Coran tel qu'il est descendu, qu'il l'apprend de ibn Ummi Abd, c'est-à-dire de Aba Abdelrahman, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu arda. Il fait partie des 4 Abdullah qui ont rapporté le maximum de hadith. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, ibn Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Mas'ud, radhwanullah alayhim jami'an. C'est pas n'importe qui, c'est un aïeul. Il fait partie de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, cramponnez-vous à ma sunna et la sunna des khalifs bien guidés. Et les hommes de science disent que les khalifs, ce ne sont pas tout simplement les 4 khalifs après le prophète alayhi salam. Bien sûr, Hadou rentre en priorité dedans parce que ils ont succédé au pouvoir et à la direction de la communauté au prophète alayhi salam. Mais tous les compagnons de Muhammad alayhi salam, ce sont des khalifs d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de la religion d'Allah azza wa jal. Hein? Donc ils rentrent dedans. Leur sunna, hein? C'est une sunna. Et leur compréhension, c'est la compréhension de cette religion. وقال رحمه الله في موضع آخر أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا طارة وتركه طارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. Il dit رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية, il dit un acte, le même acte, des fois il va être préférable de le faire et des fois il va être préférable de le délaisser, en prenant en considération là où il y a l'intérêt. Est-ce que l'intérêt dans un lieu c'est de le délaisser ou là de le faire, hein? Selon les preuves de la législation. Prends par exemple le fait maintenant que on sort dans le rang et on vous aligne. Pourquoi? Parce qu'on est entre frères salafis et des gens qui comprennent la sunna. Donc il n'y a aucun mal à faire vivre cette sunna. D'accord? Maintenant, si je me trouve dans un lieu de commun, hein, les gens, si tu le touches, ils ne comprennent pas ce hadith du prophète alayhi salam, soyez souple dans les mains de vos frères. Il te, tout de suite, il va trouver quelque chose dans son cœur. Pourquoi, Adai? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je ne sais pas me mettre droit ou quoi que ce soit. Donc là, tu vas te suffire de la parole. Et c'est, ça y est, en attendant de leur faire comprendre. Hein? En attendant de leur enseigner. Je vais vous conter une expérience qu'on a eue, nous, dans le Nord. Mais on a hérité d'un travail tout à fait exceptionnel. J'arrive comme imam dans une mosquée à Moucron, à la frontière de l'île et de la Belgique. Ils sont collés. Quand tu sors de là, c'est la France, et là, de l'autre côté, c'est la Belgique. Les darons qu'il y avait dans cette mosquée faisaient des gestes, ne peut les connaître que quelqu'un qui a lu le livre de la description de la prière de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Et pour des Marocains, c'est trop particulier. Ce sont des personnes de 70 ans, 80 ans, de la même génération de ceux qui combattaient les frères, qui essayaient de faire vivre la sunna dans les années 70 à Marrakech et ailleurs. Et tu y vois, ils font des gestes pour commun, mais dans lesquels tu te retrouves avec toute la description de la prière du prophète alayhi salam, telle qu'il est rapportée dans le livre de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. J'arrive là-bas, je vois, c'est étrange, j'arrive pas à comprendre comment des personnes y arrivent ça. Un soir, dans un dîner, je prends la personne qui a attiré le plus mon attention, qui est une personne très âgée, hein, qui, je crois, il dépassait la 70 ans. Je rentre dans la mosquée, je dis « Salam alaikum », il lève la main, hein, vers le haut pour répondre à « Salam ». Il fait « Tahiyat al-Masjid », etc. Et cette personne m'attirait le plus parce que c'est le plus âgé de la mosquée. Et je me retrouve avec lui, avec d'autres, d'un certain âge aussi. Je leur demande, je dis, votre situation, vous, visa. Tout ce que les vieux dans les mosquées nous reprochent, vous le faites. Tout ce que les vieux nous reprochaient quand on était jeunes, vous le faites. C'est quoi? Où est le problème? Où est le hic? C'est quoi vous? Il a dit, sache, Hassan, que pendant 6 mois, cher Taqid, Dilhilal est resté avec nous. Il nous a enseigné la prière du prophète, alayhi salatu salam, de A à Z. Rahimahullah ta'ala. Et donc, c'était facile pour moi. Un jour, je descends du manbar et je dis, puisque vous avez appris la prière du prophète, alayhi salatu salam, avec cher Taqid, Dilhilal, à partir de maintenant, tout l'héritage que vous avez hérité de Cheikh Taqid Dilhilal, on le met en application. Et à partir d'aujourd'hui, je vais sortir dans les rangs les alignés. Et je vais demander pendant le Jumu'ah ou autre à quelqu'un de sortir de chaque rang et d'aligner les rangs pour refaire vivre toutes ces sunnahs du prophète alayhi salatu salam, de Uthman ibn Affan, de Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu. Et c'était facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage avant. Mais si c'était, je serais arrivé comme ça pour l'appliquer, j'aurais pas pu faire. C'est impossible. C'est impossible. Et il est arrivé les mêmes d'autres expériences dans d'autres régions où je n'ai pas pu. Hein? Et j'ai laissé le temps de leur. 7 mois sont passés, les gens ont été imprégnés de la sunna. Ils ne l'ont pas pratiqué devant moi. Moi, je suis parti de cette région-là. Il y a un frère qui est revenu derrière là-bas, il m'a dit, tout ce que vous leur avez appris, toi et le frère, et parce qu'il y avait un autre imam avec moi, un autre frère salafi, il a dit, tout ce que vous, ils le mettent en application. L'essentiel, c'est pas de heurter les gens. L'essentiel, c'est de prendre le temps. Et on est toutes, on est passé par là, au départ, on est enthousiaste pour la sunna, et on a fait des gaffes. Mais il faut prendre la leçon. Il faut prendre la leçon. Hein? Et nous devons prendre, vous devez prendre la leçon des gaffes que nous on a commis et de ne pas les commettre vous-même. Hein? Donc il y a des choses, c'est pas parce que la personne, parce qu'un frère est arrivé après ses études à Dammaj ou après ses études à l'université de Médine et qu'il connaît la sunna, il la maîtrise, etc. et qu'il laisse certaines choses. Sache, va nous voir, frère, avant d'avoir une idée sur lui ou d'avant de faire quoi que ce soit, va nous voir pourquoi il le fait. Parce que peut-être lui, il voit un intérêt que tu ne vois pas. Pour essayer de gagner cette masse dans la mosquée. Et pour essayer de les voir tous, pourquoi après accomplir la sunna comme il se doit. Hein? Et il faut de la patience. Et c'est la patience qui te donne le fruit après. Hein? Et c'est la patience qui nous permet d'arriver à un résultat qui est louable par la suite. فيقول رحمه الله والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حذثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. Il dit رحمة الله عليه. Donc le soumis à Allah Azza wa Jal doit laisser des fois ce qui est préférable à faire quand il sait qu'il va en découler un mal. Quand il sait s'il agit ainsi et s'il met en application cet acte préférable, ça va ramener un mal. Hein? Et ça ne va pas ramener un bien. Comme il a dit, laissez le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le fait de reconstruire la Kaaba selon les bases d'Ibrahim alayhi salam et de la remettre comme l'avait construit Ibrahim alayhi salam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cet acte-là. Et pourtant, c'était quelque chose qu'il aimait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que devant lui, il y avait l'opposition, hein, de deux choses. Hein, il avait l'opposition devant lui quoi? C'était que la communauté de Quraysh était nouvellement dans l'islam. Ils étaient nouveaux dans l'islam, et donc peut-être qu'ils allaient pas accepter et pas aimer cet acte-là qu'on touche à la maison d'Allah, qu'eux ils respectaient. Hein? Et donc, il paraît que, donc, dans ces cas-là, cette mafsada, qui est énorme, a poussé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ne pas la toucher. À ne pas la toucher. Alors que le bien est la meilleure des situations, c'est qu'elle soit construite comme il était sur les bases d'Ibrahim alayhi sallam. Pourtant, c'est la Kaaba. Et regardez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait. À cause de quoi? Pour que rien ne s'instaure dans les cœurs de Quraysh qui sont nouvellement rentrés dans l'islam. C'est pour ça aussi, avec des nouvelles sœurs converties et des nouveaux frères convertis, on leur alourdit pas la situation dès le départ, étape par étape avec. Hein? ولذلك يقول الشيخ استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فضل الوتر فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يأم قوما لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. Il dit, rahimahullah ta'ala, ainsi les grands imams ont préféré, comme l'imam Ahmed et autres. L'imam Ahmed nous donne cet exemple, il dit, il est à l'imam, si l'imam voit le fait, au moment de salat al-witr, par exemple, dans Qiyam al-Layl, pendant Ramadan, il voit que faire d'orqat, et après faire salam, et après se lever et ramener la troisième orqat pour l'witr. Et ça, c'est le mieux chez l'imam. C'est ça, son opinion, c'est la voie qu'il a prise, et c'est le mieux pour lui. C'est ce qu'il voit de mieux. Mais ceux chez qui il est imam, pour eux, le mieux pour eux, c'est qu'ils fassent le witr, trois rak'at d'affilée, sans faire salam au milieu. C'est-à-dire les trois rak'at d'un coup avec un seul salam, une fois qu'il arrive à la troisième rak'at. Et c'est une version qui est dans la sunna. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais l'imam, lui, il voit que le fait, c'est de faire deux et une. Et que ceux qui sont derrière lui, eux, voient le mieux pour eux, c'est les trois d'un coup. Ben, l'imam Ahmed et d'autres, ils disent, il vaut mieux qu'ils fassent les trois avec eux que de faire deux et de dire salamu alaykum et de se lever et de ramener la troisième. Et dans ces cas-là, ils vont avoir qu'ils vont le détester. Et ça va amener à un problème. Hein? Alors que les deux versions sont valables. Mais pour lui, son point de vue, c'est de faire ça. Mais il regarde l'intérêt où il est. L'intérêt, c'est que le cœur de ceux qui sont derrière toi, ils ne soient pas atteints et qu'ils ne retrouvent rien dans leur cœur, ni de haine, ni quelque chose, ni qu'ils soient pincés dans leur cœur ou quoi que ce soit. Hein? Ainsi, il en est de beaucoup de choses. Tu prends sur ça aussi, quand tu arrives dans une région, dans une mosquée, les gens ne connaissent pas ce que c'est que Jasad Stilaha. Tu prends le temps de le renseigner. Tu reprends le temps parce que des fois, ils vont te devancer dans la prière. Si toi, tu t'assois pour Jasad Stilaha, et lui, il ne sait pas, ben, il va se lever avant toi. Tu l'auras induit dans une énorme erreur. Et on n'a pas le droit de devancer l'imam. Donc, quand on est doué de raison et qu'on veut un travail fait à long terme, ben, il faut prendre le temps. Il faut savoir mettre en avant certaines choses et faire reculer, mettre en arrière certaines choses en attendant. On ne les délaisse pas. En attendant d'amener les gens petit à petit à accepter et à comprendre et à savoir et leur montrer ce que c'est que le fait de suivre la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam et le bien qui en découle, et surtout à notre époque où les gens ont dit laisser la sunna, la récompense qu'il y a, etc. Et ça demande un peu de temps. C'est pas du jour au lendemain que tu vas changer les gens. Dis-toi, wa, yarhamukallah, ça fait 60 ans qu'il prie comme ça, 40 ans qu'il prie comme ça. C'est pas, tu vas pas le changer du jour au lendemain. Son mécanisme, déjà, il est, hein, il fonctionne de cette façon. Donc, il faut prendre le temps de lui enseigner, etc., pour pouvoir, hein, acquérir son cœur et pour pouvoir ne pas le faire fuir de toi. يقول الشيخ رحمه الله وكل ما قررته تحت هذه القاعدة لا ينفي ما سبق بيانه من العناية بالسنة والحرص عليها. Il dit, حفظه الله تعالى, quelque chose de très important. Tout ce que j'ai confirmé dans cette règle, il dit, رحمه الله عليه, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la sunna et qu'il ne faut pas mettre en application la sunna, loin de là. Et qu'il ne faut pas éclairer les gens sur la sunna et propager la sunna, loin de là. يقول فإن هذه القاعدة إنما سيقت لأمر عارض لا أن تقتل السنة وتدفن من أجلها. Il dit, cette règle, les hommes de science l'ont instaurée pour des problèmes passagers, pour des situations particulières, non pas pour faire tuer la sunna, hein, et non pas pour enterrer la sunna là, mais au contraire, cette règle, c'est pour faire vivre mieux la sunna. En retardant, les gens vont la faire mieux, vont l'accepter et vont l'accomplir encore mieux. فيقول الشيخ فإذا ما تمسك بها من يرى أن السنة عائق من عوائق تصحيح المسار باعتبار أنها جالبة للخلاف والنزاع فإننا نرد عليه بأن ترك السنة بالكلية مفسدة عظيمة بها يضيع شيء من شرع الله تعالى. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجيء قوم يتركون مثل من السنة مثل هذا, ها, يعني مفصل الأصبع, فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى, وإن لم يكن أهل كتاب, وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة, وإن آخر ما يتركون الصلاة, ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وارضاه. Et Cheikh de nous dire, hein, contre cette règle qui est le fait de mettre en arrière la sunna en attendant, hein, pour réunir les cœurs, si quelqu'un s'attache à cette règle, hein, il a mis en application tout le temps, il remet la sunna de côté parce qu'il dit que la sunna ramène le khilaf, ramène la divergence, ramène les disputes et les litiges, etc. On lui réplique, il a dit, cher, car le fait de délaisser la sunna complètement est un grand mal. Et c'est le fait de délaisser la sunna complètement qui va faire perdre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont entêtés, ils laissent de côté cette sunna, ils ramènent la dispute, ils ramènent la divergence, etc. Mais ouais, il ne veut pas en entendre parler, il veut la mettre de côté complètement. Hada, on ne l'écoute pas. Hada, la réplique lui sera faite que ça, c'est la sunna. Et malgré lui, hein, ceux qui l'appliquent vont l'appliquer. Et que ce n'est pas la sunna qui ramène la divergence dans la communauté. C'est le contraire. C'est l'innovation qui est, c'est elle qui a ramené la divergence dans la communauté. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda, il dit, il va venir des gens qui vont laisser la sunna. Ils vont laisser de la sunna l'équivalent d'une phalange d'un doigt. Il dit, si vous les laissez, après ils vont ramener des grandes catastrophes. Il dit, les gens du livre qui sont passés, la première des choses qu'ils ont délaissées, ce sont les sunnas. Et il dit, la dernière des choses qu'ils ont délaissées, c'est la prière. Il dit, si les gens ne sont pas, n'ont pas un peu honte, ils vont laisser la prière aussi. Hein? Parce que la sunna, c'est la religion. Et la religion, c'est la sunna. Et si tu la tues, la sunna, tu enlèves sunna après sunna, qu'est-ce qui va rester de la religion? Tu vas dépouiller la religion de son sens. Rawal al-Laka'i fi sharh i'tiqadi ahli al-hadith hada al-athar li Abdullah ibn Mas'ud. Cet atar d'Abdullah ibn Mas'ud a été rapporté par le Laka'i dans Sharh i'tiqad Ahl al-Hadith. يقول الشيخ إذن فالمفهوم الصحيح للقاعدة أنه إذا ترتب على إظهار سنة من السنن مفسدة راجحة على مصلحة، مصلحة إظهار السنة، فيكف عن السنة في هذا الموطن مع مراعاة ما يلي. الدي حفظه الله رحمه الله تعالى، شيخ ابن برجس، الدي la définition authentique et correcte de cette règle, c'est quand il va découler du fait de mettre en application une sunna parmi les sunan, il va en découler un mal, et que c'est sûr que c'est un mal qui va en découler, donc on ne la met pas en application dans cet endroit-là, mais en prenant en considération certaines conditions. C'est pas comme ça au sens large du terme. أولاً، وجوب المناصحة والتذكير بعظم السنة وكبير مكانها. Premièrement, qu'il est obligatoire de l'obligation de conseiller les gens et de leur rappeler l'importance de la sunna et de leur montrer l'importance de la sunna dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. ثانياً، ألا تترك السنة إلى الأبد. Deuxièmement, qu'on ne délaisse pas la sunna tout le temps. ثالثا, إذا علم من حال المشوش على إقامة السنة أنه إنما دفعها رغبة عنها إما تعصبا لمذهب أو اتباعا لمنهج فإن السنة تقام وإن رغم أنفه وأنف ألف مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. Troisièmement, il dit si on sait de quelqu'un, d'un perturbateur qui vient pour perturber et pour semer la zizanie pour que la sunna ne s'accomplisse pas, et qu'il la repousse, que ce perturbateur la repousse tout simplement parce qu'il n'aime pas cette sunna, il ne la veut pas. Soit par sectarisme à son école de jurisprudence, soit parce qu'il suit une idéologie ou une voie d'un groupe ou une secte, hein? Il dit dans ces cas-là, la sunna on l'accomplit, et que son nez s'écrase dans le sable, et que mille nids comme lui aillent s'écraser dans le sable. Ça, c'est une expression arabe. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut, si ça veut dire quelque chose en français. Allah Ta'ala alam. Comment on peut la traduire à Sidati? Rahima anfuhu, rahima anfuhu. Car il nous a été rapporté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui se détourne de ma voie, il n'est pas sur la même voie que moi. Celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas sur la même voie que moi. Et combien la situation est dangereuse quand on n'est pas sur la sunna, sur la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La situation est énorme. Ça veut dire, si on n'est pas sur la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on est où dans ces cas-là? On est dans l'une des voies, des autres voies qui existent, qui sont la divergence de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont le contraire de la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la situation est énorme. يقول والمصلحة الكبرى التي كنا نريد إبقاها إنما هي المودة بين أهل السنة وتلافي وقوع البغضاء والعداوة بينهم فلما كان هذا الرجل أو هذه الجماعة راغبين عن السنة سقطت مودتهم ووجب هجرهم وكراهتهم في الله. Il dit, le grand intérêt que nous voulons préserver, c'est la fraternité entre les gens de la Sunna. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas de haine entre les gens de la sunna. Hein? Mais comme cet homme-là, ou ce groupe-là, sont des gens qui se détournent de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne lui donnent pas l'importance, et qui lui donnent le dos, donc, il n'y a pas à chercher l'alliance avec eux, ni leur à pallier au pincement de leur cœur, ou quoi que ce soit. Il est obligatoire de les mettre à la quarantaine, et de le détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et comme le fait de mettre à la quarantaine pour nous, les novices, on met à la quarantaine pourquoi? Pour se préserver de leurs ambiguïtés, en priorité. Hein? On se préserve de leurs ambiguïtés. Hein? Parce que si on est avec, ils injectent leur venin, leurs idées, leurs ambiguïtés, etc. On ne s'en sort pas. Et combien de malheureusement de nos jeunes, chaque fois, il te ramène une ambiguïté. dit, Yahi, n'écoute plus ce genre de personnes, n'écoute plus ces adeptes de tel groupe, etc. Et ça n'arrête pas. Je veux savoir, qu'est-ce que tu veux savoir? Et chaque fois, il te ramène la toile d'araignée dans son cerveau. Vas-y, t'enlève là. Et quand les ambiguïtés s'installent, il est difficile de les enlever. Très difficile. C'est pour ça, en tant que novice, on doit faire très attention à nous. On se préserve. Parce qu'on n'a pas les règles. On n'est pas immunisé. On n'a pas assez de science pour pouvoir pallier aux choses et faire la part des choses. Hein? Et tant qu'on est ainsi, on est vulnérable. Donc, dans ces cas-là, on se protège après l'islam. Et dans notre protection, on doit être doué d'un bon comportement. Dans notre protection, on doit être doué d'un bon comportement. يقول الشيخ رحمه الله وهذا بخلاف من كان جاهلا ككثير من العامة فإن ترك السنة درءا لجهله على القائم بها أو الوقوع في شيء من محظورات الألفاظ أمر مطلوب حتى يعلم برفق ويستعان عليه بمن يثق به من أهل العلم فإن أصر بعد ذلك فألحق بإخواني السابقين أهل البدع. Il dit رحمه الله تعالى. Et la situation est tout à fait contraire quand il s'agit des ignorants, qui sont la majorité des communs. Hein? Il dit, le fait de délaisser la sunna pour débarrasser ces gens-là de leur ignorance, ceci est demandé. Comme le fait, il dit, certaines expressions, c'est petit à petit d'essayer de l'éduquer avec doigté, avec sagesse, avec douceur et souplesse pour qu'il délaisse ce genre de trucs. Hein? Et qu'on leur enseigne avec douceur et que ceux qui doivent s'en occuper, ce sont les gens qu'ils ont un contact avec, ils savent y faire, ils ont la clé. Hein? Il est évident qu'un jeune de la rue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec la guidée, n'a pas la clé pour un daron. Il faut se dire aussi à l'évidence que les Maghrébins en général, qu'ils soient Tunisiens, Marocains ou Algériens, ils n'acceptent pas le conseil de celui qui est jeune. Ils n'ont pas été éduqués à ça. Pourtant, il est obligatoire pour nous d'accepter le conseil de qui il vient. Ça, nous, maintenant, on le sait. Donc, il est obligatoire pour nous. Qu'il te vient un jeune de 10 ans ou là de 15 ans, qu'il te dit quelque chose et qu'il a... Et c'est véridique, il te ramène le conseil, tu es obligé d'accepter. Celui qui est de même âge que toi, tu es obligé d'accepter. Mais nos darons, eux, ils n'ont pas été éduqués à ça. Moi, ils prennent les choses de très haut. Se rajoute à ça à l'ignorance. Se rajoute à ça toutes les ambiguïtés, toutes les idées que ces faux frères leur ont données. Hein? Etc. Donc, il faut tout prendre ça en considération. Et en général, les personnes, quand il y a quelqu'un qui parle leur langage et qui sait leur ramener les choses, ben ils acceptent. Ils reviennent à la vérité. Et Wallah, il avait raison. Plusieurs années durant, Cheikh Obeid, Hafidhahullah Ta'ala, quand on lui demandait des conseils, il dit, Ya Hassan alayka bil awam, fa innahum li awwali man sabaqa ilayhim. Il disait, Hafidhahullah Ta'ala, Hassan, occupe-toi des communs. Parce qu'ils sont pour le premier qui est arrivé à eux. Mais encore, il faut savoir utiliser les clés pour atteindre leur cœur et pour les avoir. Parce que si tu les as de ton côté, tu as tout. C'est eux qui détiennent les mosquées. Hein? C'est eux qui mettent la main dans la pâte pour dépenser pour la mosquée, pour les constructions de mosquées, pour tout. C'est eux qui sont là. Malheureusement, nos autres salafis, on a un problème. La sunna de mettre la main dans la poche, c'est un peu difficile. Hein? Il y a un problème, il y a un blocage, il y a des menottes qui nous arrêtent et que la main n'arrive pas, sauf ce que l'Allah a comblé de ses bienfaits. Il y a un décalage. Nous devons, nous les premiers, à courir vers les sources du bien. Et les premiers à dépenser pour cette dawa. Hein? Nos frères, en Afrique par exemple, ils ont besoin. Ils n'ont pas les moyens, nos frères, en Afrique, de leur envoyer des reins. Ben, il n'y a pas de problème. Quand une association, parmi les associations de la région parisienne, demande de l'aide pour pouvoir payer des billets pour un des da'i pour qu'il l'envoie une quinzaine de jours là-bas, contribue à l'islam, tu auras ta récompense avec. Tu seras parmi ceux, par ton intermédiaire, sa da'i arrive là-bas. Dis-toi bien que tout ce qu'il fait, tu as ta part dedans. Il faut qu'on travaille pour le delà et qu'on ne voit pas tout simplement le bout de notre nez. Des fois aussi, pour contribuer au fait à l'allocation d'un centre ou à l'allocation de quelque chose, de faire quelque chose, pour que les frères, les sœurs, du moins puissent se rencontrer, puissent demander des da'is, etc., pour apprendre et passer. Quand tu demandes la contribution, dis-moi, je sais pas le temps. Je prépare ma hijra. Ya akhal islam, wallah, et tu ne sais pas, peut-être que c'est 50 euros ou là 10 euros que tu donnes pour l'ouverture d'un centre, là 100 euros, peut-être que c'est les moyens qui vont te permettre de te faciliter cette hijra. Parce que celle-là, c'est une sadaqa jari, ya akhal islam. Tu imagines les personnes qui viennent à ce centre loué par tes frères. Les frères qui viennent y donner cours, hein, et tout, et la sunna qu'ils apprennent, etc. C'est énorme. Dis-toi bien que tu as contribué à tout ça, que tu auras ta récompense aussi. Mais seulement nous, des fois, on ne sait pas calculer plus loin que le bout de notre nez. Hein. Et la voie de ne plus avoir d'Allah implique qu'on s'investisse matériellement aussi. Parce que, regardez les innovateurs ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils dépensent pour le faux. Nous, Inch'Allah, on est sur le vrai, et on mort sur le vrai, notre sacrifice doit encore être plus énorme pour que ce vrai puisse, hein, que tout le monde puisse en profiter, que ça ne se passe plus dans des salles. Parce que la salle, qui arrive dans la salle, les avertis. Ceux qui connaissent le manège déjà. Mais que ça soit dans des mosquées. Parce que dans la mosquée, tu atteins le commun, tu atteins tout le monde. Et les gens qui ont des ambiguïtés sur le terme d'El Salaf, ou sur le terme d'El Salafia, ou sur le terme d'El Wahhabia, avec les cours qui se donnent, ils vont dire que, hein, les autres qui fermaient la porte et qui ne voulaient pas que tel vienne donner cours, on comprend maintenant pourquoi. Et si eux-mêmes, le déclic se fera directement, c'est pour ça, quand vous avez comme les frères, je ne sais pas de quelle région, de La Roche, qui maintenant essaye de construire une mosquée, etc. Il faut les aider. Parce que c'est une mosquée qui est, Inch'Allah, sera sûr, hein, le manège d'El Salaf. Et c'est une mosquée qui va donner l'occasion à qui? À la da'wa salafia, c'est un moyen. Et sachez que le manbar en Europe, c'est quelque chose de très important. Les gens ne croyaient pas. Quelqu'un qui monte sur le manbar, pour eux, c'est le top des tops. C'est pour ça qu'il faut qu'on œuvre et qu'on soyons un moyen pour qu'il y ait plus de nos frères salafis qui prennent les manbars. Pour dissiper les ambiguïtés. Et pour faire et qu'on soyons un élément qui fait avancer cette dawa. Hein? Et tout le bien reviendra à nous. Sinon, on ne le vit pas. Peut-être que vos enfants le vivront. Ou les enfants, peu importe. Mais l'essentiel même, si on meurt, on aura fait une sadaqa jariya et la récompense nous viendra jusqu'à notre tombe. Et des actes vont être dans notre manuscrit, alors que on est mort depuis 30, 40 ans, 50 ans, il y a encore des actes qui viennent par une certaine œuvre. Hein, le fait d'avoir contribué à une mosquée, d'avoir contribué à un centre, etc. etc. Yaqul le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, al-qa'idatu al-khamisa, لا يعمل بما ولد حتى يثبت رواية ودلاية. Il dit, حفظه الله تعالى, رحمه الله تعالى, on met pas en application de sunnah jusqu'à ce qu'il soit confirmé, que ce soit au niveau de la chaîne de transmission ou là au niveau du texte aussi, et que ce soit clair et que la compréhension vient, une compréhension saine des hommes de science. يقول رحمه الله إذا نقلت إلينا سنة فإن الواجب علينا قبل العمل بها أمران: الأول التأكد من صحة سندها، إما بإعمال القواعد الحديثية على إسنادها لمن كان أهلا لذلك، وإما بتقليد أحد أئمة هذا الشأن. Il dit, رحمه الله تعالى, quand on transmet et on attire notre attention sur une sunna avant de la mettre en application, il est obligatoire pour nous de savoir deux choses. De s'assurer de la validité et de l'authenticité de la chaîne de transmission de cette sunna. Soit si on fait partie des gens qui sont capables d'utiliser les règles du hadith, donc on analyse soi-même la chaîne de transmission. Si on n'est pas capable, comme nous et vous, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers les hommes de cette science et on prend leur avis sur le hadith. D'accord? Nous, vous et vous, on n'a pas les règles. On n'est pas arrivé à ce degré-là pour analyser les chaînes de transmission et dire ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Profiter du travail de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, de Cheikh Mokbil et des anciens muhadditin et des contemporains. Barakallahu fikum. Ça, c'est tout ce que nous pouvons faire. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons pas les règles, nous n'avons pas le fondement, nous ne savons pas faire cette étude. Donc on s'arrête à notre place. Hein? Parce que chacun doit s'arrêter à sa place pour que les choses soient claires et nettes et que pour qu'on ne tombe pas dans des ambiguïtés et qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في كتابه فتح الباقي على ألفية العراقي الشيخ زكريا محمد الأنصاري رحمه الله dans son livre فتح الباقي على ألفية العراقي qui est un énorme livre sur les sciences du hadith, il dit طريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد أنه إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده وإلا فلا يحتج به. الجي رحمه الله تعالى la voix de celui qui veut prendre comme preuve un hadith parmi les hadiths qui se trouvent dans les livres de la sunna. S'il fait partie des gens qui ont la capacité et qui sont, qui ont les règles, qui ont étudié, qui savent utiliser, et qui savent faire l'analyse des chaînes de transmission, avant de le mettre en application et avant de le prendre comme preuve, il doit regarder si la chaîne de transmission d'abord elle est du début jusqu'à la fin liée. Il doit regarder aussi la situation des transmetteurs qu'il y a dans cette chaîne de transmission. Et il dit, s'il trouve, c'est-à-dire s'il n'a pas les règles, et s'il ne fait pas partie de ces gens qui peuvent regarder les chaînes de transmission et de juger le hadith s'il est bon ou pas bon, il dit dans ces cas-là, s'il trouve un des imams parmi les imams du hadith qui a authentifié ou rendu bon le hadith, dans ces cas-là, il l'imite. Sinon, il ne le prend pas. Tu ne sais pas là, le degré du hadith, etc. Tu regardes un homme de science. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala fait que des hommes, comme Cheikh Nasser, comme Cheikh Mokbel, comme d'autres avant eux, ont voué leur vie à authentifier. Ont voué leur vie à authentifier. Et Cheikh Mohamed Baz, Hafidhahullah Ta'ala, l'a rencontré il y a 2 ans. Il a dit maintenant, avec des jeunes, des étudiants de Jeddah, il a dit maintenant, nous, on n'a pas à s'attaquer au travail de Cheikh Nasser, rahimahullah. Cheikh Nasser s'est arrêté à un point. Nous, maintenant, il ne reste quoi? À démarrer de là où il s'est arrêté, Cheikh Nasser Dil Albani. Il nous a compris ce qu'il voulait dire par là, c'est-à-dire que maintenant nous avons devoir à ressortir à la communauté et à authentifier les fatawas des compagnons, les fatawas des tabi'in, etc., et leur compréhension. Et c'est pour ça qu'il nous a annoncé un projet qui est exceptionnel. Il a eu l'idée, lui, Cheikh Abbas Wasiullah, Hafidhahullah Ta'ala. C'est-à-dire que là, actuellement, ils ont divisé des travaux. Certains qui vont avoir leur magistère prochainement à la Mecque et dans d'autres universités vont à travailler sur, par exemple, la jurisprudence de Omar ibn Khattab. Il va avoir. Un autre, il a la jurisprudence d'Abou Bakr Siddiq. Un autre, l'Aouzaï. Un autre, Thawri, etc. Et ceci, c'est un travail énorme parce que c'est ce qui va nous permettre d'accomplir cette phrase qu'on entendait depuis plusieurs années de la bouche de Cheikh Nasr, et qui était l'emblème de la da'wa de Cheikh Nasr, qui est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, avec la compréhension du puiseur d'Allah. Et quand ce travail sera fait, il va nous orienter encore plus sur cette voie de le puiseur d'Allah. Il va nous arrêter sur les points de vue de Omar ibn al-Khattab, les points de vue radiyallahu anhu arda d'Abu Bakr Siddiq, de Uthman ridwanullah alayhim, de Ali, d'Abu Huraira, et ainsi de suite, et des grands imams aussi. Et ceci est un travail énorme. Il est évident que c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps. Cela nous prouve quoi? Qu'il y a des gens qui travaillent, qu'il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur vie est une vie au service de la sunna, est une vie au service de cette religion. Ainsi s'accomplit cette parole d'Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons descendu la révélation et nous la protégeons. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de protéger. Mais il y a des moyens. Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour que cette chose s'accomplisse, cette protection s'accomplit. Fayaqul al-shaykh, فالعمل بالحديث دليل على الاحتجاج به ولا سبب الى الاحتجاج به الا اذا علم ثبوته. دي رحمه الله شيخ ابن باز, le fait de mettre en application un hadith, ça prouve qu'on a le droit de le prendre comme preuve et qu'on l'a pris comme preuve. Il dit il y a pas moyen de le prendre comme preuve que si on sait la validité du hadith, comme quoi ce hadith il est authentique. يقول واما ما لا يثبت فلا يجوز ان يجعل الشيء واجبا او مستحبا به. Il dit quant aux choses, au hadith qui n'est pas confirmé du prophète عليه الصلاه والسلام, on n'a pas à le prendre comme preuve pour rendre une situation un acte obligatoire ou un acte surrogatoire. On n'a pas le droit. يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ولا يجوز ان يعتمد في الشريعه ان يعتمد في الشريعه على الاحاديث الضعيفه التي ليست صحيحه ولا حسنه. ابن تيميه رحمه الله عليه il dit il n'est pas permis de s'appuyer de prendre comme preuve dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala les hadiths faibles et les hadiths qui ne sont pas authentiques et qui ne sont pas du domaine du hadith hassan, c'est-à-dire un degré moins que l'authentique, mais il lui manque une condition pour qu'il soit authentique. Mais sahih hassan, on met en application. Da'if, Cheikh l'Islam, il dit on n'a pas à le mettre. Et le da'if, il a 6 degrés. Et c'est énorme. Il y a plein de chapitres et de termes concernant les hadiths da'if. Yaqoul, أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. Il dit mais شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, il dit que l'imam Ahmed رحمه الله تعالى dit et d'autres hommes de science ont permis le fait de transmettre et de prendre comme appui et comme compagnon certains hadiths dans les actes vertueux, qu'on ne sait pas s'ils sont confirmés ou pas, tant qu'on ne sait pas un mensonge. Mais la parole de l'imam Ahmed ici, certains nombres de sciences l'ont détaillé, ils l'ont épluché, ils l'ont compris. Il a dit ce qu'il voulait dire dans la parole de l'imam Ahmed, c'est le hadith Hassan, parce qu'à cette époque-là, ce terme n'était pas encore, n'a pas vu le jour dans le lexique des hommes du hadith. يقول وذلك ان العمل اذا علم انه مشروع بدليل شرعي وروي في فضل حديث لا يعلم انه كذب جاز ان يكون الثواب حقا. Et aussi il dit quand un acte on sait quel est léger ferré avec une preuve qui est authentique, il y a pas de mal à prendre comme appui et comme compagnon pour montrer plus de vertu à cet acte avec un hadith tant faible, tant qu'il n'est pas du domaine du mensonge. Parce que les hommes de science disent la récompense du hadith, il est confirmé dans le hadith authentique. Et quand il ramène ce hadith faible, il le ramène comme compagnon, tout simplement. L'istinas, comme ils disent. Mais la récompense, et ce qu'il en découle, il est où? Il est dans le hadith authentique. On dit, prends la sunnat al-fajr. Il y a plusieurs hadiths qui te parlent des vertus de la sunnat al-fajr. D'accord? Et certains vont, quand ils parlent, ils font une recherche sur Sunnat al-Fajr, ils ramènent les hadiths authentiques, et tout d'un coup, il te met un hadith faible, il te montre. Il te montre que le hadith est faible. Et ce hadith ne ramène rien de nouveau, sinon il confirme ce qui est déjà dans le hadith. Et il confirme les récompenses qu'il y a déjà dans le hadith authentique. Ainsi les hommes de science, ainsi ils utilisent ce hadith da'if. Hein? Parce qu'il y a beaucoup, notamment si jamais à Tabligh, etc., dans leur livre, Fadail Amal, et dans le truc là, Hayat Sahaba, ils ramènent beaucoup de hadiths da'if, ils comptent, ils ont été contrés là-dessus, ils disent, mais l'imam Ahmad, il a dit qu'on peut, dans les vertus des actes, ramener des hadiths da'if, sans parler des conditions. Alors que les hommes de science, Cheikh l'Islam, et avant lui d'autres, et Cheikh Nas, rahmatullah alayh, ont bien conditionné la situation dans le fait de mettre en application le hadith da'if en ce qui concerne les actes vertueux. Yaqul, wa lam yaqul ahadun min al-a'imma annahu yajuzu an yuj'al al-shay'u wajiban aw mustahabban bi hadithin da'if, wa man qala hadha faqad khalafa al-ijma'. وهذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. Il dit رحمه الله تعالى, il y a aucun des imams qui a dit qu'il est permis de faire un acte, de rendre un acte obligatoire ou surrogatoire avec un hadith da'if, avec un hadith faible. Il dit celui qui dit ça, il est en divergence avec le consensus. Il est en divergence avec l'ijma. يقول رحمه الله قال شيخ الإسلام أيضا قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. Il dit, rahimahullah ta'ala, en rapportant des paroles de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les imams de l'Islam, il dit la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a dit, quand on est en face du halal et du haram, de ce que du licite et de l'illicite, nous sommes fermes et durs au niveau de l'analyse des chaînes de transmission. Et quand il s'agit des actes qui vont nous inciter ou nous faire peur, hein, nous sommes un petit peu plus souples au niveau de l'analyse des chaînes de transmission. Il a dit, et le fait, tout ça ce sont les paroles de Ibn Taymiyyah, et aussi les paroles sur lesquelles sont les hommes de science au niveau du fait de mettre en application le hadith da'if en ce qui concerne les actes vertueux. Il a dit, cela ne veut pas dire qu'on rend surrogatoire un acte avec un hadith faible. Hein? Et cela parce que l'istihbab, le fait de dire que cette chose, il est préférable de la faire, c'est une sentence au niveau de la législation, c'est un jugement législatif. Et le jugement n'est confirmé qu'avec une preuve législative, une preuve authentique. Hein? Donc ça revient à dire que même, combien la parole de l'imam Ahmed, les hommes de science l'ont compris, que à ce niveau-là, il ne s'appuie pas ni l'imam Ahmed rahmatullah alayh, ni les autres imams qui sont venus après lui ne se sont appuyés sur un hadith faible pour légiférer quelque chose ou là pour dire que cet acte il est préférable à faire. يقول ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع أي أصل الدين المشروع أنه لا يشرع إلا بدليل شرعي il dit aussi celui qui annonce quelque chose de الله عز وجل il dit que cet acte الله سبحانه وتعالى l'aime il fait partie des actes que الله سبحانه وتعالى aime sans preuve de la législation, celui-là, il a légiféré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme s'il dit, cette chose est obligatoire ou cette chose est haram, c'est la même chose. Hein? Il a légiféré quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci n'est pas permis. Il dit, c'est pour ça que les hommes de science, au niveau de ce qui est préférable à faire, il y a une divergence entre les hommes de science. La divergence se situe au niveau de quoi? Au niveau des hadiths, et au niveau de leur niveau, au niveau de l'étude du hadith, etc. Au niveau que certains ont reçu le hadith authentique, ou là n'ont pas pu voir la faiblesse du hadith faible, et ainsi de suite. C'est pour ça que des fois, tu vois certaines divergences dans les actes préférables à faire entre les hommes de science. Mais l'origine de la religion et de la législation doit être basée sur une preuve. يقول رحمه الله والكلام دائما لشيخ الإسلام ابن تيمية وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكره الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهية الكذب والخيانة ونحو ذلك. Ils disent ce qu'ils voulaient les hommes de science, avec le fait de mettre en application le hadith da'if dans les actes vertueux, c'est que cet acte soit déjà confirmé et qu'il soit parmi les actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime ou que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et que cet acte soit confirmé par un texte authentique ou par un consensus, comme la lecture du Coran, il est légiféré. Donc même combien c'est un hadith qu'un homme de science a pris dans le fait d'inciter à la lecture du Coran et ce hadith, il est faible, combien pour eux c'est pas un problème qu'il l'ait pris. C'est pour ça que certains s'imaginent, disent pourquoi il y a 38 hadiths faibles dans Riyad Salihin. Il n'y a pas de problème qu'il y ait 38 hadiths ou là moins ou là plus dans Riyad Salihin. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des hadiths faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a refusé que quelque chose soit complète à part l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun livre n'est parfait que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, il n'y a aucun mal que le livre de Riyad Salihin, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il a l'acceptation à travers toute la planète. Tu vas partout où tu vas, Riyad Salihin se trouve dans les familles. Parce que c'est un livre qui est très bénéfique. Qui est très bénéfique. Qui commence par la sincérité, qui se termine par le delà, et en passant par toutes les bonnes œuvres et les vertus que nous devons acquérir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et ça ne gêne en rien qu'il y a des hadiths da'if dedans, parce que l'œuvre complète, il n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que pour tilawat al-Qur'an, un homme de science a pris comme hadith un hadith faible, les vertus et les récompenses de tilawat al-Qur'an sont des hadiths authentiques. Il en est de même pour la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour du'a. Il en est de même pour la charité. Il en est de même dans le fait de libérer un esclave. Il en est aussi de même pour le fait de propager le bien et d'être bon avec les gens. Et le fait que le mensonge est détestable, il est légiféré. Et aussi la trahison, il est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc combien ça gêne en rien quand un homme de science utilise un hadith da'if comme un compagnon pour donner un peu plus d'incitation aux gens, mais le hadith lui, mais les vertus et les récompenses sont confirmées dans un hadith authentique. Et ça, c'est la voix des hommes de science. يقول فيدار حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وتوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير التواب والعقاب وأنواعه يدار فيه حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك التواب أو تخاف ذلك العقاب انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Il dit quand c'est un hadith rapporté dans les vertus de certains actes préférables et dans les récompenses, ou là dans le fait que cet acte est détesté, etc., ou là il attire l'attention sur le châtiment qui découle de certains actes, etc. Il a dit la part de la récompense, la part du châtiment, ou là les châtiments, les variétés de châtiments qui en découlent, si on nous rapporte un hadith dans ce sens-là, dans les vertus, dans les récompenses ou dans le châtiment, et que ce hadith n'est pas du domaine du hadith mawdou', c'est-à-dire inventé, il est permis, il dit, de le transmettre et de le rapporter. hein, et de le mettre en application. Il dit parce que l'être humain tout simplement espère la récompense qu'il y a dans ce hadith ou a peur du châtiment qui est cité dans ce hadith. Et là s'arrête la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et Cheikh Ibn Baz dit wa qad lakhasa al-allama al-Albani rahimahullah ta'ala fi muqaddimati sahih at-targhib wa at-tarhib kalam Cheikh al-Islam hada faqal. Il dit rahimahullah et l'imam l'Albani rahmatullah alayh a résumé dans l'introduction de son livre, de son ouvrage at-targhib wa at-tarhib les paroles de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Yaqul wa nastati'u أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان. إيه شيخ الإسلام شيخ ناصر رحمة الله عليه a dit et nous pouvons dire que la situation du hadith ضعيف il a deux cas de figure, deux situations. Le hadith ضعيف a deux situations. الأولى أن يحمل يرحمك الله أن يحمل في طواياه توابا لعمل ثبت مشروعيته بدليل شرعي فهنا يجوز العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ومثاله عنده التهليل في السوق بناء على أن حديثه لم يثبت عنده أي لم يثبت عنده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيل دي رحمه الله تعالى إيه le premier cas de figure du hadith ضعيف c'est qu'il porte en lui les vertus et les récompenses d'une œuvre qui est confirmée par un hadith authentique, qui est légiférée par un hadith authentique. Il dit dans ces cas-là, il est permis de le mettre en application en espérant avoir la récompense qu'il y a dans ce hadith. Mais l'acte lui-même, il est confirmé par quoi ? Par un hadith authentique. Il dit, mitaluhu inda, son exemple chez Cheikh l'Islam, c'est le fait de faire tahlil dans souq, dans le marché. Pour Cheikh l'Islam de Taymiyyah, pour lui, ce hadith n'était pas authentique, il était faible. Mais il l'a pris comme compagnon. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui confirment les vertus de faire, de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir. يقول والحالة الثانية أن يتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعي. يظن بعض الناس أنه مشروع فهذا لا يجوز العمل به. Il dit, le deuxième cas pour le hadith da'if, c'est qu'il contient un acte qui n'est pas confirmé par la législation, par un hadith authentique. Et dans ces cas-là, on n'a pas à le mettre en application pour que les gens ne croient pas que ça, c'est légiféré. Vous voyez, deux cas de figure devant le hadith da'if, ainsi sont les hommes de science devant le hadith da'if. Et dis-toi bien que quand tout de suite des frères ils voient un hadith da'if cité dans un livre qui a été traduit, et ça, l'Aïkh al-Islam prend-le dans les règles pour instaurer les hommes de science. Et ils viennent te voir tout de suite, t'as vu le hadith da'if qu'il y a dedans. Ce hadith da'if, il porte en lui une récompense qui est confirmée. L'acte, il est confirmé déjà par un hadith authentique. Et là, il y a dedans une récompense. Donc si les hommes de science le mettent là, c'est pour que les gens soient poussés encore plus à œuvrer cette œuvre pour avoir cette récompense, tout simplement. يقول رحمه الله وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم الاعتصام. الشيخ ناصر رحمة الله عليه يدي que la même voie qu'a pris Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى, c'est la même voie qu'a pris l'homme de science, authentificateur, qui est l'imam Shatibi rahimahullah, qui était de Cordeaux, dans son noble livre, qui est l'Irtisam, de Grenade, barakallahu fik. Yaqul, wa la'alla fi hadha al-qadr min kalam Cheikh al-Islam ma yusahihu al-khata الشائع عند جماعة من أهل العلم وطلابه حيث يفهمون قول العلماء في الحديث الضعيف فهما لا يتفق مع ما أرادوه. Il dit, حفظه الله تعالى, رحمه الله تعالى, et peut-être que dans cette parole, cette part de parole de Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه, cette parole est suffisante pour authentifier l'erreur qui est propagée dans le milieu de certains hommes de science, de certains demandeurs de science qui comprennent pas bien comme il se doit la parole des hommes de science concernant le hadith da'if et qui la comprennent pas comme le veulent et comme l'ont pris ces hommes de science, rahmatullah alayh. Rahmatullah alayh. يقول والأمر الثاني التأكد من صحة الاستنباط. التأكد من صحة الاستنباط. وسلامة الاستدلال وفقا للقواعد الأصولية المعتبرة. Et là, maintenant, un deuxième point. Rappelez-vous qu'au début, pour cette règle, Ibn Barjis a dit il faut s'assurer de l'authenticité de la chaîne de transmission. Maintenant, il nous ramène au deuxième point, en face du hadith, qui nous appelle à appliquer une sunna. Il dit et s'assurer aussi de la validité et de l'authenticité des lois et des choses qui sont extraites de ce hadith. Et que le hadith est bien mis à sa place au niveau de la preuve et qu'il est utilisé conformément aux règles considérées chez les hommes de science. Ça ne suffit pas d'avoir un hadith sahih à côté de toi. Ça suffit aussi d'avoir la bonne compréhension. Et que le hadith, combien le hadith des fois, il est authentique, mais la personne ne l'a pas utilisé à sa place. Une fois, nous nous sommes retrouvés avec une des têtes d'elle. L'Yassiniyin, dans la région de Montpellier. Il le présente là-bas comme un docteur en hadith. Mais le docteur de hadith, je vais vous le décrire ainsi. Le pantalon qui traîne par terre, qui suit les urines des chiens du ruelle de Montpellier. Et la ménorrhage et les G2 qui jouent son rôle tous les matins. Il nous dit comme ça. Il nous dit, qu'est-ce que vous reprochez à Jama'at al-Adl wa al-Ihsan? Puis on reproche qu'eux, ils voient le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous, on ne le voit pas. Et que Jibril, il vient les voir, nous, on ne le voit pas, on ne sait pas. C'est quoi la preuve pour tout ça? Il a dit, c'est simple. C'est simple. Pour ce qui est de voir le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le hadith de l'Isra ou le Mi'raj? Il dit, ouais. C'est un hadith authentique. Naam, c'est un hadith authentique. Ben vous voyez quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu l'ascension vers le ciel, ben il a rencontré Idriss alayhi salatu salam, il a rencontré, il dit la même chose pour nous. Il dit subhanallah, hada c'est le prophète alayhi salatu salam, et moi et toi qui nous sommes? Il a dit bon, on ne peut pas discuter avec vous. Il dit maintenant dis-nous pour Jibril comment ça se passe. Il a dit Jibril, vous connaissez le deuxième hadith dans l'Arba'in Nawawi? Il dit oui. Et Jibril est venu vous apprendre votre religion. Il a dit Jibril est venu les voir. Il dit, Akhal Islam, si tu regardes à la fin, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous savez qui est cet homme qui est arrivé? Il dit, Allah et son messager le savent seulement. Et à ce moment-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ça c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et les compagnons ne le savaient pas. Et les compagnons ne le savaient pas. Et regarde maintenant, la situation, c'est pas la situation de ce. La situation, regarde, un hadith authentique, regarde où est-ce qu'il te la met. Ça ne veut pas dire que tu as le hadith authentique, que ça y est, il faut qu'il soit mis à sa place. Il faut qu'il soit utilisé dans la situation et dans l'événement qui correspond au hadith. Combien les hadiths sont authentiques, mais ils ne sont pas bien utilisés. Ou là, ils sont mal compris. فيقول رحمه الله تعالى فإن بعض الناس قد يوفق لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا أن التوفيق لا يحالفه في استخراج الحكم الشرعي من النص وهنا تكمن الرزية. Il dit رحمه الله تعالى car certaines personnes, hein, Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit à connaître le hadith authentique et du faible, ils ont cette science, etc. Hein? Mais en ce qui concerne le fait d'extraire les lois et les sentences qui découlent de ce hadith, ils ne sont pas accomplis. Et c'est là où il y a la catastrophe. Ils ont la capacité authentifier, etc. Ils te le mettent, mais au niveau du fait d'extraire et de le comprendre comme l'ont compris les plusieurs dans la, et d'extraire les lois et les actes qui en découlent, là, ils ne l'ont pas. Et là, c'est la grande catastrophe. يقول رحمه الله فعلى طالب العلم أن يراعي هذا الجانب وذلك بالرجوع إلى شروح أهل العلم على الحديث وسؤالهم عنه وعن دلالته حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر فإن من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الأحكام لم يقتضي كلامه فقد كذب عليه إلا أن يكون من أهل الاجتهاد وبذل قصار جهده فلم يصب الحق فإنه مأجور غير مأزور. Et il dit, il appartient aux demandeurs de science qui prennent en considération cette situation et qu'il doit revenir, quand il est en face d'un hadith da'if, d'un hadith authentique, etc., qu'il doit revenir aux explications des hommes de science et des hommes du hadith. On ne peut pas apprendre l'indépendance dans notre compréhension. On est obligé de revenir à ne plus dire d'Allah alayhim et à la compréhension de ne plus dire d'Allah alayhim. Et aussi combien, des fois, devant l'interprétation, on bute. Il faut demander aux hommes de science. Hein? Et aussi, demander aussi le cas de figure de la preuve pour cette situation. Pour qu'on ne tombe pas dans un mensonge sur le prophète, alayhi salam. Et qu'on n'y met pas de là, on ne le sait pas. On ne le sent pas. On y met un mensonge sur le prophète, alayhi salam. Et on attribue à Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, une sentence qui n'est pas dans sa parole. Et qui ne découle pas de la parole du prophète, alayhi salam. Et le fait, et dans ces cas-là, on tombe dans le fait de mentir sur le messager, alayhi salam. Et d'introduire peut-être quelque chose qui n'est pas bonne dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf si la personne est un homme de science qui a les outils de l'effort, min ahli l'ijtihad. Hein? Et il n'y a personne parmi nous, entre nous, qui fait partie de ces cas-là. Donc les hommes de l'ijtihad, ce sont les hommes de science. Donc eux, sa science l'a amené à tel point. Il a fait tous les efforts d'interprétation, il a tout une. Bon, il est ramené à là. Ben, s'il touche la vérité, il a deux récompenses. Parce qu'il est digne de l'interprétation et de l'effort d'interprétation. Et il a fait l'effort. Maintenant, s'il est dans l'erreur, ben, il aura une récompense. Il ne lui sera pas pris rigueur. Pourquoi ? Parce qu'il est digne de cette situation dans laquelle il est. La situation de l'interprétation. Et donc, il ne sera pas châtié. Il aura une récompense pour l'effort d'interprétation. Mais s'il m'arrive à moi et à toi de s'aventurer là, même si on touche vrai à l'islam, nous allons rendre des comptes. Parce qu'on n'est pas digne de l'interprétation. Vous comprenez la situation comment il est ? Donc de là, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas n'importe quoi dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans tout ce que nous disons, notre source doit être les paroles d'hommes de science. Hein? Et la compréhension de ne plus être d'Allah alayhim et la compréhension des hommes de science. Pourquoi on ne fasse pas du mal de là, on croit qu'on est en train de faire du bien. Et dans ce cas-là, le premier qui tombe dans le mal, c'est la personne elle-même. يقول وإنما الكلام في أولئك الذين ليس لديهم ما يؤهلهم للنظر في كلام الشارع استنباطا واستدلالا ثم يخوضون هذا البحر العميق دون مراكب تحملهم فرحم الله أمرا امرئا عرف قدر نفسه وأنزلها منزلته. Il dit, et toutes les paroles de toute façon concernent ces gens-là qui ne sont pas aptes à analyser les chaînes de transmission, ni à extraire les lois des textes. Et dans ces cas-là, ils s'aventurent dans un océan. Ils s'aventurent dans un océan sans fond. Et ils n'ont même pas de barque qui les portera dans cet océan. Hein? Donc si tu n'as pas de barque, tu t'embarques dans l'océan, qu'est-ce qui va t'arriver à la fin? Quand tu vas fatiguer, gare à la nage. Quand il va fatiguer au fin fond de l'océan, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Tu vois? Donc, quand on n'a pas les outils, on va vers notre perte. Et quand on ne maîtrise pas les règles, et quand on ne fait pas attention, qu'on ne s'oriente pas vers les hommes de science, etc., on va vers quoi? Vers notre perte. Donc, il est obligatoire pour nous. Et que Allah subhanahu wa ta'ala couvre toute personne qui connaît sa place et qui connaît sa valeur. Il sait s'arrêter là où il doit s'arrêter. Et hada, c'est un grand bienfait min Allah Azza wa Jal. Qala Muawiya radiyallahu anhu, inna aghra ad-dalalati la rajulun yaqra'u al-Qur'an fa la yafqahu fihi fa yu'allimuhu as-sabi wal-'abd wal-mar'a wal-ama fa yujadiluna bihi ahla al-'ilm. Et Muawiya radiyallahu anhu, il a dit, une partie de la profondeur de l'égarement de quelqu'un, c'est que un homme, il lit le Coran, il ne le comprend pas. Il l'enseigne aux gamins, il l'enseigne aux serviteurs, il l'enseigne aux femmes, il l'enseigne à tout le monde. Et en leur enseignant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont polémiquer avec les hommes de science. Ils vont polémiquer avec les hommes de science. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. أي كلام ابن عبد البر من جامع بيان العلم. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى a dit que ta source et ton pilier soient les preuves, soit le hadith, soit ce qui est authentique de ton prophète et de tes et de ses compagnons. Et de l'opinion, prends que ce qui va t'expliquer le hadith. Andak, c'est pas l'opinion qui est l'opinion libre, la yakh al-islam, mais l'opinion qui découle de la législation. Hein? وقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرة فقال هل فهمه على قدر كتبه قيل لا قال فما صنع شيئا. On a dit à un sage, telle personne a réuni beaucoup de livres. Il a dit, est-ce que sa compréhension elle est de la valeur et de la grandeur de ses livres? Ils lui ont dit non. Il a dit, il n'a rien fait hada. C'est sa compréhension, ni pas de la dimension et de la quantité de ses livres, ben il n'a rien fait, il a dit. قال الخطيب البغدادي تعليقا على هذه الحكاية ونحوها وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه والتفكر في معانيه. انتهى من الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. On commente cette parole. Et d'autres qui vont dans le même sens, il a dit, et cela, ça concerne les personnes qui écrivent. Mais ils ne regardent pas ce qu'ils écrivent, ils ne méditent pas, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils écrivent. Et ils écrivent, ils ramassent. Hein? Enfin, nous avons fait dans le livre de Cheikh Ibn Barbezis, rahmatullah alayh, 4 règles, et il y en aura d'autres, inshallah. On les terminera quelque part, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum Allahu khairan. Que Allah vous récompense pour votre comportement et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense les frères qui ont été la cause de cette réunion, inshallah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et que inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce genre d'événement soit un petit peu dans toutes les régions. Hein? Pour que nos frères et nos sœurs et que aussi venir ceux qui organisent aussi prévoient aussi pour nos sœurs aussi les endroits, etc. Hein? Et quand vous voulez organiser, etc., demandez l'expérience, demandez des idées et concertez-vous avec les anciens qui ont l'expérience de tout ça pour que vous profitez de leur expérience, parce que il est évident, quand on débute ce genre de truc, il arrive qu'on fasse des petites lacunes, etc. Mais quand on le fait la première fois, la deuxième, la troisième fois, etc., il y a des leçons à chaque fois qu'on prend. Donc prenez la leçon, demandez aux frères qui vous ont devancé dans cette voie-là, demandez leurs conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et sachez aussi que quand vous êtes dans vos régions, etc., donc, nos frères ont pris une initiative qui est extraordinaire, qui est que chacun de sa région qui a besoin que d'un frère ou un da'i vient les voir dans leur région, c'est tout simplement un seul numéro, ne vous cassez pas la tête, vous appelez le frère Abu Anas, c'est tout, et lui, selon les disponibilités des frères, etc., va vous envoyer la personne adéquate et la personne qui est disponible, inshallah. Et ceci, c'est extraordinaire, hein? Ça devait être depuis longtemps, mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand la chose doit se faire, il se fait au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Alors pour ceux qui vont partir, inshallah, faites attention sur la route. Barakallahu fikum. Hein? Essayez que tout ce que vous avez entendu des différents frères, inshallah, de le mettre en application. La science, c'est pas un but en soi. c'est la mise en application. Il faut être digne du comportement de la voix de le plus haut d'Allah. Cette voix, on peut la défendre sans parler avec notre comportement. Ça peut faire beaucoup, frère Allah Azza wa Jal. Et ne tombez pas dans les pièges que vous tendent les innovateurs pour vous exciter devant l'awam. Et après, vous partez excité, etc. Vous dites des choses que vous ne pensez même pas. Et il reste avec l'awam. Après, vous voyez, hein, vous voyez, vous avez vu avec sa barbe, son kamis, ça, il dit la science, il dit si on l'avait dit. Regardez le comportement qu'il a. Ne tombez pas dans leurs pièges. Hein, souvent des voix, ils vous excitent juste comme ça. Que ce soit Tablir, que ce soit, et d'autres, ils ont des idées que leur insouffle Shayatin pour pouvoir casser cette voix et pour noircir l'image. Nous avons fait très attention à ça, barakallahu fikoum. Assalamu alaikum, jazakumullahu khairan.